L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Des astronomes ont trouvé pour la première fois une supernova de type 1A démultipliée 4 fois par effet de lentille gravitationnelle. Les différents trajets de la lumière de cette supernova permettent de fournir des mesures plus précises du taux d'expansion de l'univers. Cette supernova est appelée IPTF-16GEU ou SN-2016GEU. Elle doit son nom au programme qui a permis sa découverte le 5 septembre 2016, le Intermediate Palomar Transient Factory, et son télescope de 1,20 m. Ariel Goubard de l'Université de Stockholm et son équipe ont utilisé la capacité unique de l'IPTF à scanner en temps réel une grande partie du ciel à la recherche d'objets transitoires comme des supernovas, à raison de 1/15 du ciel chaque nuit. L'analyse spectrale de la lumière de la supernova a permis de déterminer sa distance à 4,2 milliards d'années-lumière, la galaxie lentille se situant, elle, à environ 2 milliards d'années-lumière. Le fait de voir 4 images différentes de la supernova, décalées dans le temps, en entourant le centre de la galaxie lentille de manière quasi symétrique, implique que la supernova était située presque exactement dans la ligne de visée de cette galaxie. La lentille gravitationnelle n'a pas seulement dévié la trajectoire de la lumière, mais elle l'a aussi amplifiée jusqu'à 50 fois. Le télescope de l'IPTF n'aurait jamais pu détecter cette supernova si elle n'avait pas subi par hasard cet effet de lentille. L'IPTF est conçu à l'origine pour explorer des supernovas dans un rayon de 1 milliard d'années-lumière seulement. Dans les 2 mois qui ont suivi la première détection, IPTF-16GEU a été observé par le télescope Hubble, le télescope hawaïen Keck et le chilien Very Large Telescope. Du fait que la lumière d'une supernova 1A subit une courbe de luminosité bien déterminée, l'évolution de l'intensité dans le temps, les astronomes pourront mesurer précisément combien de temps a mis la lumière pour arriver dans chacune des 4 images. Cette donnée est extrêmement utile pour estimer la constante de Hubble, donc le taux d'expansion de l'univers, avec une précision de quelques pourcents. Connaissant également la luminosité intrinsèque de la supernova, commune aux supernovas 1A, les 4 images dédoublées et amplifiées permettent aux chercheurs de calculer très précisément la masse et la taille de la galaxie qui a produit la lentille gravitationnelle. 10 milliards de masses solaires et 3000 années-lumière de rayon. Ce qui est petit et laisse présager que le nombre d'effets semblables pourrait être plus important que ce que l'on pense. Le successeur de l'IPTF à l'Observatoire du Mont Palomar, le Zwicky Transient Factory, ZTF, qui doit débuter ses opérations cet été, devrait scanner le ciel 10 fois plus vite, pouvant couvrir la totalité du ciel accessible en une seule nuit. Une 10aine de supernovas de ce type pourront ainsi être détectées dans les 3 prochaines années. Et ce n'est pas fini, parce que dans quelques années arrivera le LSST, le Large Synoptic Survey Telescope, qui offrira une vitesse encore 10 fois plus grande que celle du ZTF, et pourrait découvrir 500 supernovas très lointaines en 10 ans. L'article de Ariel Goubard et ses collaborateurs s'intitule IPTF-16GEU, a multiply imaged gravitationally lensed type IA supernova. Et il est paru dans Science aujourd'hui même dans le volume 356 en date donc du 21 avril 2017. Vous retrouvez le lien bien évidemment en bas de ce billet. Comme d'habitude. Allez, restez bien à l'écoute sur le www.saspasselahaut.fr. Ça se passe là-haut, le blog où l'univers des supernovas extrêmement lointaines se contemple indéfiniment. Ah oui. Vous retrouvez cette émission sur Apple Podcast, ainsi que sur PodCloud, ainsi que sur Stitcher et YouTube aussi. Et oui, et toujours dans vos lecteurs de flux préférés. D'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Allez, salut !